Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Octobre 1959, vous avez moins de 15 ans. En pleine guerre froide, vous entendez vos parents et leurs amis évoquer les événements d'Algérie et souhaiter le retour de leur fils parti faire leur service militaire dans les Aurès ou sur la frontière tunisienne. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie. Mais pour vous aussi, le monde est bipolaire. Votre hebdo est le journal de Tintin. Alors, votre cri de reconnaissance est Mille Sabords ou Bande de Bachibouzouk. Par contre, si c'est Spirou, comme le marsupilami, vous criez à l'occasion « Houba, Houba hop !» Vos parents pensent qu'il n'y a rien à craindre et que ces bandes dessinées pourraient même vous inculquer quelques bons principes. Ils ne savent pas très bien que les éditeurs de ces journaux sont des groupes de presse catholiques ou que ces héros ont d'abord vu le jour en Belgique. Ils sont peut-être réticents à vous laisser lire le journal de Mickey, trop lié à l'American Way of Life et aux valeurs de l'argent. L'oncle Picsou, qui vous a fait si bien rire, irascible et nageant dans son tas d'écus, ne les amuse qu'à moitié, même s'ils apprécient les belles histoires de l'oncle Paul. Le journal de Vaillant, lié au Parti communiste et qui pourrait faire de vous un bolchevique, vous est peut-être interdit. Il a donc la saveur des lectures clandestines. Ce petit monde éditorial est sous la tutelle d'une commission de surveillance et de contrôle des publications pour la jeunesse, ce qui a conduit à l'élimination d'une grande partie de la production anglo-saxonne jugée trop violente. Les éditeurs français ou belges des albums tirés des aventures de vos héros font de bonnes affaires sur un marché assez faiblement concurrentiel en plein baby-boom. Quel bagarre oh. Pourtant, votre monde va être bouleversé. Des révolutionnaires sont-ils tapis dans l'ombre? Même pas. Vous les connaissez? Vous avez lu dans Tintin les aventures d'Oumpapa, un indien très sympathique sur fond de conquête du Canada par les Français. René Goscinny, scénariste, et Albert Uderzo, dessinateur, ils ont encore un prénom que la célébrité leur enlèvera. Eh bien, voyez-vous, quand j'ai créé Astérix avec Uderzo, les études de marché prouvaient la chose suivante. Que le héros devait être jeune et beau pour que le lecteur puisse s'identifier. Qu'il fallait traiter de problèmes actuels ou plutôt de problèmes à venir. Bon, voilà. Je ne crois pas aux études de marché, ils viennent toujours au secours de la victoire, peut-être pour certains produits immuables. Un produit, un savon, c'est immuable, ça ne change pas, mais pour des choses vivantes, comme nous faisons, mais ça n'existe pas. De demander à quelqu'un qu'est-ce que vous aimeriez, eh bien, c'est déjà fini, puisque nous sommes là pour surprendre le lecteur. S'il connaît les histoires avant nous, ça ne lui plaira pas. Alors les études de marché, les enquêtes de motivation, l'informatique, tout ça... Pour moi, la seule utilité, c'est que ça me donne des sujets pour Astérix, c'est tout. Oh, ben c'est pas plus drôle que les Romains. Rien est plus drôle que les Romains, à part les sangliers, encore. Contacté par des journalistes qui souhaitent créer un nouveau journal pour les jeunes, il propose Astérix, dont le succès est fulgurant. Et il lance un nouvel hebdo, Pilote, 1959. Vous y découvrez toute une nouvelle génération de créateurs, Greg et Achille Talon, Kebbu et son grand duduche, Fred et Philémon. Puis, après l'interdiction de Harakiri Hebdo, en 1970, ce sont GB et Reiser qui rejoignent cette fine équipe dont la bien-pensance n'est pas le principal souci. Ces auteurs impertinents accompagnent maintenant votre adolescence. Le mouvement est lancé. En 1972, des transfuges créent l'écho des savanes, et 3 ans plus tard, ce sera le tour de Fuite glaciale. La BD franco-belge est devenue adulte, comme vous. Elle va donner de l'espoir et de l'emploi à des centaines de créateurs et d'éditeurs. Un festival est créé à Angoulême en 1974 où se concentrent un pôle de formation, une cité de la bande dessinée. Les adaptations au cinéma justifient la mise en place d'une filière de formation qui permet à la France aujourd'hui d'être le 3e producteur mondial de dessins animés tout en exportant des talents dans les grands studios hollywoodiens. Les hebdos ont cédé la prééminence aux albums complets. La BD propose 3500 nouveautés par an, dont un tiers de manga, et représente plus de 10% du chiffre d'affaires de l'édition française. Et les dessins originaux d'Hergé ou d'Enki Bilal atteignent aujourd'hui aux enchères le prix de véritables œuvres d'art.